Il y a des soirs où je me couche puis je me demande pourquoi je suis seul. Pourquoi j'ai personne à qui compter mes problèmes. On dit que la vie c'est beau, mais j'ai l'impression que ça me fait plus de mal que de bien. Il y a trop de choses tristes qui me passent par la tête, mais j'en parle pas puis je me dis que ça va passer. Peut-être qu'il y a certains problèmes qui passent, mais il y en a d'autres qui restent gravés dans mon cœur. Yeah. Encore un autre jour qui passe, les mêmes idées sales en moi qui font que mon cœur se casse. Je touche ma peine dans mon chiffon, le cœur et que le temps dépasse. J'ai rendu vieux, man, jamais rien fait de bon, j'récolte des bifs en centaines. Je veux la paix, mais malgré moi, la guerre me cherche. C'est mon histoire, mais tu sais que je vais me battre jusqu'à la mort. Tu dis que les choses changent, mais chacune de tes pages est triste. Au-dessus de ma tête, y'a pas d'ange, c'est ça qui m'encaisse. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On choisit pas de vivre sans l'air. On peut être pauvre toute sa vie ou bien gagner un bon salaire. Y'a trop de fois où j'ai pleuré, mais sans savoir pourquoi. Les gens de mon entourage sourient, yo, mais c'est pas pareil pour moi. J'ai l'air joyeux, mais toi tu sais, j'suis tout en danse. La vie c'est un combat, j'te fais pas le troisième round. Y'en a qui se demandent pourquoi j'ai choisi ce texte. Là, écoutez bien, et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui que j'te raconte mes plus grands secrets. J't'ai déjà dit, des amis c'est rare qu'on a des vrais. À chaque jour, je pense une page de plus remplie d'espoir. T'es toujours là pour moi, y'importe le sens de mon histoire. C'est aujourd'hui que j'te raconte mes plus grands secrets. J'ai déjà dit, des amis c'est rare qu'on a des vrais. À chaque jour, je pense une page de plus remplie d'espoir. T'es toujours là pour moi, y'a pas le sens de mon histoire. Ha. Yeah. J'chante tout le temps, mais dans le fond, j'suis pas mieux que fuck. J'pleure comme un enfant, c'est la tristesse que j'rock. Trop souvent, j'me ferme les yeux pour éviter que la vie me déçoit. Pris dans ce rêve où tout s'éclaire, ça au rien qui va. On passe des années à penser à notre futur. Quand on regarde en arrière, on se rend compte comment notre vie est dure. À chaque seconde, faut que je me jette des youssies. Comme tu le sais, d'année des bouches, je m'en fous des poussies. Acharné, je rêve d'amour sincère, de tendresse et mystère. Mais comment trouver l'âme sœur dans cet hémisphère? Une vie de chante au carrément d'année des barreaux. J'habite dans un donjon, on veut ma mort et ma peau. J'suis prisonnier entre les quatre murs de la solitude. Mais dans un bureau, qui chaque jour est de plus en plus dur. J'ai déjà dit des fans, c'est rare qu'on a des frères. Quand t'en trouves, faut que t'es gardes. La confiance, c'est ce qu'il me fallait. Aujourd'hui, je te raconte mes plus grands secrets. J't'ai déjà dit, des amis, c'est rare qu'on a des vrais. À chaque jour qui passe, une page de plus remplie d'espoir. T'es toujours là pour moi, qu'importe le sens de mon histoire. C'est aujourd'hui que j'te raconte mes plus grands secrets. J't'ai déjà dit, des amis, c'est rare qu'on a des vrais. À chaque jour qui passe, une page de plus remplie d'espoir. T'es toujours là pour moi, qu'importe le sens de mon histoire. C'est aujourd'hui que j'te raconte mes plus grands secrets. J'ai déjà dit, des amis, c'est rare qu'on a des vrais. À chaque jour qui passe, une page de plus remplie d'espoir. T'es toujours là pour moi, qu'importe le sens de mon histoire. C'est aujourd'hui que j'te raconte mes plus grands secrets. J't'ai déjà dit, des amis, c'est rare qu'on a des vrais. À chaque jour qui passe, une page de plus remplie d'espoir. T'es toujours là pour moi, qu'importe le sens de mon histoire. Ha. Yeah, yeah. Double M Studio. M.I.U.